Leçon 1, page 12. L'alphabet écrit. B, D, C, G, P, T, V, W. F, L, M, N, R, S, Z. I, J, X, Y. A, H, K. Q, U, E, O.